respiration en deux volets, travail sous clavier. La partie sous clavière est la partie qui se trouve au niveau des clavicules. C'est donc la partie pulmonaire que l'on retrouve aux épaules. Il est évident que nous n'avons pas de poumons au niveau des épaules, mais lorsque nous emplissons la cage thoracique au niveau sous clavier, nous montons les épaules. Le mouvement des épaules permet donc d'inspirer un peu d'air. L'amplitude de la respiration sous-clavière est beaucoup plus faible que la respiration abdominale. Donc, ne cherchez pas à inspirer ou à expirer comme vous le faisiez avec la respiration abdominale. Pour bien repérer les muscles sous-clavier, nous vous proposons un exercice particulier. Placez-vous en position à genoux. Ceux qui ont de la difficulté, vous employez un coussin que vous placez entre le plancher et vos chevilles ou entre vos fesses et vos talons. La colonne vertébrale droite, vous relaxez. Vous prenez 3 inspirations complètes dans l'ordre 2-8-4-4. Parfait. Maintenant, petit retour sur le travail abdominal. On place donc ses mains sur l'abdomen, majeur au nombril, pouce près du sternum. 3 fois, lentement, respiration uniquement abdominale. On y va. On gonfle. On fait le ventre creux. Maintenant, le travail sous clavier. Vous allez croiser vos mains en avant de vous. Vous allez placer la paume de vos mains, les doigts vers l'arrière, sur vos côtes, tout près de l'abdomen, et vous allez placer le croisement de vos bras devant vous au niveau de votre nombril. Par la suite, vous allez vous pencher lentement vers l'avant jusqu'à ce que votre tête touche le sol, du moins si vous y parvenez. Maintenant, vous allez inspirer uniquement en bougeant les épaules vers le sommet de votre tête, donc vers l'avant. On y va. Et on expire. Comme vous le constatez, cette inspiration-expiration est beaucoup plus courte que la respiration abdominale. Cela est normal, cela est correct. Si vous inspirez trop amplement, vous allez placer de l'air dans votre partie intercostale et même abdominale. Vos mains sont sur le côté pour vérifier est-ce que vos côtes ne bougent pas et vous pouvez appuyer au niveau de l'abdomen pour bien faire en sorte que l'abdomen ne respire pas. Vous devez apprendre à contracter uniquement la partie sous-clavière, donc au niveau des épaules. Après plusieurs pratiques, vous pourrez faire cela sans contracter l'abdomen avec vos mains et en ne sentant jamais vos côtes bouger pendant l'inspiration ou l'expiration. Toujours dans cette position, on inspire sous-clavière. On expire. On le refait 3 fois. vous devez vous entraîner à pratiquer cette découverte du système musculo-sous-clavier. N'allez pas trop rapidement. Les égos sont souvent pressés et cela engendre différentes problématiques. En l'occurrence, on n'a pas beaucoup de résultats, on croit qu'on fait mal ou que la technique n'est pas bonne, alors qu'on doit prendre plus de temps pour l'assimiler. Travail sous clavier, travail de découverte, doit être pratiqué jusqu'à ce que vous puissiez faire l'exercice qui suit. Toujours en position à genoux, la colonne vertébrale droite. Vous allez inspirer uniquement par la partie sous-clavière en vérifiant ce que votre abdomen ne bouge pas. Vous allez donc placer encore une fois vos mains sur votre ventre, les majeurs se touchant au nombril, les pouces près du sternum. Vous allez vider l'abdomen, on fait donc le ventre creux. Et maintenant, vous allez prendre trois inspirations uniquement au niveau de la partie sous-clavière, donc en faisant bien attention à ce que l'abdomen ne bouge pas et à ce que vos côtes ne bougent pas non plus. On y va. Comme vous le constaterez, il n'y a pas beaucoup d'air qui va pénétrer, mais c'est par cette partie que vous capterez l'énergie yin plus tard. Vous pouvez maintenant pratiquer la respiration en deux volets d'une façon complète. Voici comment on procède. Chaque fois que vous aurez à pratiquer cette technique, vous devez être dans un endroit relativement calme. Il est entendu que lorsque vous maîtriserez cette technique, il sera de bonne aloi de la pratiquer n'importe où lorsque vous en sentirez le besoin physique ou même le besoin psychologique, car cette technique de respiration calme énormément l'ego. Nous verrons plus loin pourquoi et comment. Assis, comme vous voulez, la position à genoux a certains avantages, c'est que le sang circule moins dans les jambes suite à la position, ce qui donne plus de sang pour le système cardiaque, respiratoire et cérébral. Assis confortablement à votre guise. Respiration en deux volets, donc inspiration uniquement abdominale. Par la suite, nous poursuivons l'inspiration en passant à la partie sous-clavière. Nous retenons quelques secondes, quelques battements cardiaques, et nous expirons uniquement avec la partie abdominale. Puis, nous expirons uniquement avec la partie sous-clavière. Il est important de bien conscientiser les mouvements pulmonaires. Vous ne devez pas transférer de l'air de la partie sous-clavière à la partie abdominale et vice-versa. Chaque fois que vous allez bouger une partie du système musculo-pulmonaire, vous devez sentir de l'air circuler dans votre nez. Nous reprenons maintenant exercice respiration en deux volets. Nous allons adopter le rythme 2-8-4-4. Voici comment on procède. Inspiration abdominale et par la suite sous-clavière en deux battements cardiaques. On y va. On retient 8 battements. On expire uniquement par l'abdomen et uniquement par les sous-clavières. L'abdomen reste contracté, le ventre reste creux. 4 secondes d'apnée. Et on reprend. Maintenant, nous allons faire l'exercice 3 fois de suite. On y va ensemble. Bien relaxé.